dans l'appartement de Gustave Moreau. Dans l'appartement de Gustave Moreau sont ouverts les livres d'époque à l'étagère. Grande pièce, grand tableau couleur délavé. Son journal est à voir dans le boudoir, œuvre philosophique dans le salon de lecture, poêle à charbon, marmite de cuivre au sens inversé de l'horloge. Velours sur tissu, autoportrait à la Vuillard, revue. Les vieux appartements sont habités d'une autre époque. Dans l'appartement de Gustave Moreau, j'aperçois le bourgeois. Je sens ses pieds recroquevillés dans ses souliers, mais aussi l'émotion de l'artiste.